Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal, la dernière édition de cette soirée du 5 septembre 2016. Deux personnes ont été tuées la nuit dernière sur la route Bujumbura-Bubanza, précisément à Nyamabere, en commune Manda. Il s'agit d'un employé de cette commune et d'un commerçant de Moussigny dans cette même commune. Des habitants de Tcharama, en mairie de Bujumbura, se plaignent d'être victimes d'une escroquerie organisée par des personnes qui leur exigent de payer mensuellement une somme d'argent pour la sécurité du quartier. Les consommateurs de drogues injectables ne devraient pas être stigmatisés. C'est en tout cas l'avis de la directrice exécutive de l'Alliance burundaise contre le sida ABS. Cette organisation est en formation pour montrer comment réduire les méfaits de l'usage de ce genre de drogue. Rebonsoir, deux personnes ont été tuées au cours de cette nuit sur la route Bujumbura-Bubanza, exactement à Nyamabere, en commune Manda. Niorugira Amede, caissier communal à Manda, et Wusoni Innocent, un commerçant au marché de Moussigny dans la même commune de Manda, avaient été filés lorsqu'ils venaient d'un concert à Muzinda. Leur bourreau était à bord d'un véhicule qui n'a pas été identifié et les enquêtes sont en cours selon les sources policières. Correspondance de Spes Caritas Kavanyana. C'est la désolation totale dans les familles de ces victimes, Niorugira Amedin et Bussoni Innocent, qui ont été assassinés au cours de cette nuit de dimanche à lundi, lorsqu'ils venaient d'un concert à Muzinda, en commune Rugazi. Arrivés à la 9e transversale à Nyamabere, en commune Manda, ils ont été tués à bout portant par des malfaiteurs qui les avaient filés depuis Muzinda, selon des témoins sur place à Nyamabere. Niorugira Amedin est mort sur le champ, tandis que Bussoni Innocent est mort après avoir été évacué vers l'hôpital général de Manda, selon les mêmes sources. Le drame a été commis tout près du lieu où a été assassiné un motard du nom de Irakoze Jean de Dieu la semaine passée. Les défenseurs des droits humains dans cette province de Bubanza demandent aux autorités concernées de suivre de près la situation sécuritaire afin d'arrêter les assassinats qui font parler de ces derniers jours. C'est Caritas Kavanyana, Bubanza, Radio Isangani. Et le ménage de Manira Kizajak de la colline Gihinga en province Mwaro a été attaqué dans l'après-midi de ce dimanche par un groupe de 4 voleurs. Une somme d'argent dont le montant n'est pas encore connu a été emportée par ces bandits. Des sources de la police dans cette province indiquent que 2 sur les 4 voleurs ont été immédiatement appréhendés après le forfait. Et à mairie de Bujumbura, certains habitants du quartier Tcharama, en zone Kinama de la commune Nahangwa, se plaignent de l'existence d'un groupe de gens qui leur exigent une contribution mensuelle pour la sécurité. Ces habitants estiment qu'il s'agit d'une escroquerie organisée du moment qu'il y a des éléments des corps de défense et de sécurité payés pour cela. Les détails avec Karine Boutoy. La contribution mensuelle demandée à ses habitants du quartier Tcharama varie entre 500 francs bouts et 1000 francs bouts depuis le mois de janvier 2016, comme l'explique cette dame. Et si je ne me trompe pas, la situation date à partir du mois de janvier. Il y a déjà qui circulent dans les ménages en demandant l'argent, 500 francs pour un occupant d'une maison, communément appelée Abapangai, et 1000 francs bouts pour propriétaire de la maison. Et ces gens circulent à la fin de chaque mois. Ils disent que cet argent enfin favoriser groupe de gens qui vont suivre la sécurité, mais nous ne comprenons pas pourquoi il y a un ministère de la sécurité publique qui s'en occupe. Nous ne comprenons pas comment les Imbonerakure prennent la place des policiers ou bien de ces rodents dans un pays indépendant. Ce conducteur de vélo rencontré dans ce quartier explique qu'ils sont obligés de donner la contribution sinon leurs vélos sont confisqués. On nous fait payer par force cet argent et on perquisitionne nos vélos jusqu'à ce que nous payons cet argent. En plus de cela, quand tu paies à Tcharama, arrivé à Kamenge, tu paies encore. Et jusqu'à présent, nous ne connaissons pas où va cet argent et à quoi il sert. Le chef de quartier Tcharama affirme que cela a été pris dans une réunion entre l'administration locale et la population dans le but d'éradiquer des cas de vol. La population de ce quartier demande à l'administrateur de la commune Nahangwa de prendre la question en main afin de montrer que ces gens travaillent dans la légalité. Karine Boutoy est stagiaire à notre station et la force africaine peut contribuer efficacement au rétablissement de la sécurité dans des pays africains. C'est l'affirmation de l'ambassadeur Rosenhaway Elle est directrice générale en charge de la francophonie et de l'intégration régionale au ministère burundais des Relations extérieures. Rosenhaoui l'a dit ce lundi lors d'un atelier organisé à Bujumbura par le secrétariat de la Force en attente de l'Afrique orientale à l'intention des points focaux civils nationaux des pays membres. Les activités de mise en place de cette force sont avancées selon Rosenhaoui. Suivez-la. Nous sommes en Afrique de l'Est, c'est pour cela qu'on parle de la force en attente en Afrique orientale. Projet, oui, mais existence aussi, parce qu'on n'est pas au stade de commencement. On est là, on a la liste des civils, le côté militaire, le côté police aussi a ses activités déjà conclues. Et la force en attente en Afrique orientale, il a été même dit que c'est la force la plus avancée parmi les 5 autres forces de l'Union africaine, je dirais. Elle aurait déjà intervenu dans un quelconque pays où la sécurité est perturbée. Pour ce qui me concerne, je suis du côté civil. Je dirais que nous avons déjà participé aux missions de maintien de la paix dans le cadre des civils. Il y a 2 ans, on avait été sollicité par l'IGAD dans le cadre du Soudan du Sud et on a pu envoyer 3 cadres civils formés en opération de la paix. Qu'est-ce que vous attendez de ces activités que vous menez en vue de rétablir la sécurité dans ces pays africains? Comme vous l'entendez, c'est une force qui sera en attente parce qu'on a vu qu'il y a des crises qui font éruption en Afrique. Nous attendons alors que cette force va travailler si jamais crise est là. Mais aussi, nous ne voulions pas que les crises soient répétitives pour que cette force intervienne. C'est juste une question de prévision. Rosenhaoui, elle est directrice générale en charge de la francophonie et de l'intégration régionale au ministère burundais des Relations extérieures. Elle répondait aux questions de Léonce Vitario. Sachez que les 10 pays de l'EAC sont le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, le Soudan du Sud, la Somalie, l'Éthiopie, le Djibouti et les Comores. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Éducation à présent, c'est illégal. L'un directeur d'une école n'a pas le droit de faire payer une amende ou faire payer le prix des objets cassés sans l'intervention de la justice. La seule instance habilitée à ce genre de responsabilité. C'est la réaction d'un juriste après que des élèves du lycée Moussinzira et du lycée de Guichoui se sont abattus. À la fin de l'examen d'État, ils ont été obligés de payer une somme variant entre 30 000 et 50 000 francs burundais pour réparer les dégâts. Suivez Maître Albert Arakaza, joint au téléphone par Marie-Ange Nzeiman. En fait, je vais faire mon appréciation en me référant d'abord sur le code pénal qui montre que l'établissement de la responsabilité pénale, qui est le cas d'espèce ou lésion corporelle ou destruction par des élèves, ça c'est de la compétence de l'OPJ. En droit, c'est l'OPJ qui devrait établir cette responsabilité, du moins à son niveau. Et il pourrait effectivement arriver à un moment où on pourrait avoir une amende transactionnelle transigée, que les gens reconnaissent les faits, et puis ils pouvaient même s'entendre sur mon temps. Et puisqu'il y a des gens qui contestent en disant que c'est beaucoup, c'est trop, il y a des innocents, c'est justement le revers de consécutif à la violation de la loi parce que ce n'est pas un directeur d'école qui établit la responsabilité pénale d'un élève, ça c'est de la compétence d'un OPJ. Deuxièmement, c'est relativement au montant que certaines taxes d'amende, supposons que ce soit l'amende, c'est vraiment une violation de la loi parce que l'amende, c'est une sanction pénale, l'amende, en plus l'amende rentre dans le trésor public. Deuxièmement, il faut reconnaître que l'un ou l'autre administré ou individu n'est pas satisfait par une décision administrative dans le droit de faire des recours. Et il y a 10 000 francs d'amende par mois seront infligés à partir du jour de la remise des diplômes à tous les élèves qui n'auront pas à payer ces frais. Et après 6 mois, la décision a été prise. Leurs diplômes seront déchirés. Est-ce légal? Je ne sais pas si on peut parler d'un taux d'intérêt par rapport à une école qui se dit victime d'une destruction. D'abord, ces intérêts mensuels, ce n'est pas justifié, ni en fait, ni en droit. Une fois que s'ils ont payé, s'ils pouvaient payer tous les dégâts, ils ne peuvent pas en même temps donner des intérêts. Les intérêts, c'est la justice seule qui peut établir les intérêts. Et enfin, les intérêts, jusqu'à maintenant, on se fonde sur un texte, je pense, de 1958, qui parle de 6% d'intérêts judiciaires lents. Donc, 10 000 francs par mois. Comprenez que pendant 6 mois, ça sera plus que le capital exigé. Donc, c'est illégal aussi. Maître à la case Albert. Environnement maintenant. Environ 50 hectares de la réserve naturelle forestière de Bururi ont été réduits en cendres par un feu d'origine inconnue déclaré dans cette réserve vers 19h de ce dimanche. Les informations obtenues des agents de l'Office burundais pour la protection de l'environnement qui assure la garde de cette réserve disent qu'appuyés par des militaires, les policiers et la population riveraine, ils ont réussi à maîtriser le feu à la mi-journée de ce lundi. Pour le moment, on surveille si l'incendie déclaré dans deux zones de cette réserve ne réapparaît selon les mêmes sources. Santé à présent. L'usage des drogues injectables est l'une des causes de la propagation du VIH-Sida. L'Alliance burundaise contre le Sida et pour la promotion de la santé, ABS en sigle, est dans une formation pour montrer comment essayer de réduire les méfaits liés à l'usage des drogues injectables. Jeanne d'Arc Kabanga, directrice exécutive de l'ABS, fait savoir que les usagers de ces drogues ne devraient pas être pris comme des criminels, mais des gens à protéger dans le but de lutter contre le sida. Les détails avec Alain Désiré Okayenese. Les usagers des drogues injectables sont parmi les plus exposés au VIH-Sida, tout comme les homosexuels. Ce groupe de personnes a beaucoup été oublié alors qu'ils devraient être associés dans la lutte contre le sida. Étant exposés à ce fléau, ces derniers devraient être protégés. La directrice de l'Alliance burundaise contre le sida et pour la promotion de la santé dit que cette alliance a déjà entamé d'approcher ces drogués dans le but de leur venir en aide pour s'en sortir. Jeanne d'Arc Kabanga. Notre objectif et la lutte contre le VIH-Sida dans le groupe des personnes qui utilisent les drogues injectables. Nous avons remarqué que plus les gens utilisent la drogue injectable, plus ils partagent les mêmes seringues et du coup, il y a une propagation du VIH-Sida. Nous avons un projet qui nous permet d'entrer en détail dans le phénomène de l'utilisation de la drogue afin de donner des messages, des formations, des informations sur la prévention du VIH-Sida dans le milieu des personnes qui utilisent la drogue. Un témoin qui a pu sortir du réseau des drogués dit que la plupart des drogués le font sous influence et seule la volonté humaine permet de s'en sortir. Trois principales raisons qui poussent les gens à s'adonner à la consommation des drogues. Premièrement, il y a la compagnie. On est ensemble avec des amis qui en font usage et on voudrait faire comme eux. Deuxièmement, il y a la quête de nouvelles sensations. Il y a le fait d'imiter. Comment vous avez pu s'en sortir? Pour s'en sortir, il faut d'abord avoir cette volonté de vouloir quitter ce monde un peu sombre de la consommation des drogues. Si on a cette volonté, après il y a ces médicaments qui peuvent accompagner. À l'ouverture de cette formation qui va durer 5 jours, les participants convergent sur les conséquences de ces drogues, entre autres la propagation des maladies comme le sida et l'hépatite, sans oublier le vol, le viol et le banditisme. Ils proposent la prise en charge de ces drogués par l'ouverture des centres de désintoxication. Alain Désiré Bokeyeneza, stagiaire à notre station sans transition, une nouvelle brève en international et nous passons à la chronique sportive comme tous les lundis. Et là, nous parlons du volleyball féminin au Burundi qui est à un niveau très bas. En République démocratique du Congo, le dialogue politique voulu par le président Joseph Kabila avant les élections devait reprendre ce lundi, toujours sans le rassemblement de l'opposition qui estime que ces conditions n'ont pas été remplies. En question notamment la réouverture des médias de l'opposition qui avait été fermée. Sur ce point, le gouvernement avait annoncé la réouverture de deux chaînes de télévision, à savoir Canal Futur de Vital Kamerhe et Canal Kin Télévision de Jean-Pierre Bemba. Pour Canal Futur, il y a encore des problèmes techniques. Et pour Canal Kin, le signal a repris depuis une semaine après deux ans d'interruption. Au-delà de ces deux chaînes de télévision, il y a une dizaine de médias, dont le Rassemblement de l'Opposition et les organisations professionnelles des médias demandent la réouverture, notamment des médias proches de Moïse Katumbi. Radio Isanganiro Chronique. Le niveau du volleyball féminin au Burundi est très bas par rapport au niveau des pays de la sous-région. C'est du moins l'analyse de Liliane Chimirimana, une des encadreurs de l'équipe féminine de volleyball New Colombe de Bujumbura. Le manque de moyens financiers, c'est l'un des défis qui handicapent le volleyball féminin au Burundi. Ce qui pourra développer le volleyball féminin en particulier et d'autres sports en général n'est que la mise en application de la loi sur le sponsoring, longtemps approuvée par le Parlement. Évariste Nzikobanyanga. Les filles et femmes burundaises ne répondent pas massivement au volleyball. Côté féminin, ce jeu est à un niveau très bas par rapport aux autres pays de la sous-région, d'où les volleyeuses burundaises sont des amateurs et non des professionnels. Didiane Chimidimana, un des encadreurs du club féminin New Colombe, dresse les défis qui handicapent ce sport collectif. Défi majeur, c'est le manque de leadership féminin. Pourquoi? Parce que il est vrai, nous avons connu des filles et des femmes qui ont pratiqué le volleyball dans notre pays, mais à un certain temps, ces femmes et filles disparaissent carrément sur la scène de volleyball. Donc les jeunes filles qui veulent apprendre à jouer au volleyball n'ont pas un modèle, un exemple à suivre. Un autre défi, c'est un défi qui est lié au manque des moyens financiers. Pourquoi? Parce que entraîner et entretenir une équipe, ce n'est pas une chose facile. Imaginez-vous, vous avez une équipe de volleyball féminine. On a besoin d'argent, on a besoin d'un petit budget pour assurer les frais de déplacement des enfants, pour assurer les frais de rafraîchissement après la compétition. On a aussi besoin d'acheter les maillots, les souliers. Cet entraîneur de New Colombe indique que beaucoup de choses sont à faire pour améliorer le volleyball féminin au Burundi. Didiane Chimidimana demande à toutes les femmes de lutter pour le sport féminin comme ils le font pour les postes politiques, ce qui pourrait motiver les jeunes filles burundaises. Dans la constitution burundaise, les femmes réclament toujours les 30% dans les pouvoirs de prise de décision dans l'Assemblée nationale ou au Sénat. Alors, il faut que les femmes soient au moins à 30% dans le domaine du sport en général et plus particulièrement au volleyball féminin. Didiane Chimidimana lance un appel pressant au gouvernement burundais de mettre en application la loi sur le sponsoring, longtemps approuvée par le Parlement, ce qui pourrait inciter les opérateurs économiques à donner leur contribution pour développer le sport. Un autre appel, c'est au gouvernement, au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Il faut que la loi sur le sponsoring, qui a été dite maintes fois, faut que cette loi soit mise en application. Et comme ça, on pourra avoir où aller toquer pour que nos équipes puissent être sponsorisées. La Fédération de volleyball compte au niveau national 10 clubs féminins, 5 évoluent au niveau de la mairie de Bujumbura. Merci Évariste, merci à vous tous qui avez suivi ce journal. Merci à Toussaint Mitebouti qui l'a mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana, nous vous souhaitons de passer une bonne soirée. À l'écoute de nos programmes.